les étoiles et le soleil tombent bien dans le ciel. Tour à tour paraître, j'ignore si les jours, j'ignore si les nuits, mon être demeure indifférent à ce